Troisième et dernier extrait de L'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre. Une admirable mais triste mort. Au lieu de l'histoire d'une belle vie, nous sommes réduits à faire l'histoire d'une admirable mais triste mort. À la vérité, messieurs, rien n'a jamais égalé la fermeté de son âme, ni ce courage paisible qui, sans faire effort pour s'élever, s'est trouvé, par sa naturelle situation, au-dessus des accidents les plus redoutables. Oui, madame fut douce envers la mort, comme elle l'était envers tout le monde. Son grand cœur ni ne s'aigrit, ni ne s'emporta contre elle. Elle ne la brave non plus avec fierté, contente de l'envisager sans émotion, et de la recevoir sans trouble. Triste constellation, puisque, malgré ce grand courage, nous l'avons perdue. C'est la grande vanité des choses humaines. Après que, par le dernier effet de notre courage, nous avons, pour ainsi dire, surmonté la mort, elle éteint en nous, jusqu'à ce courage, par lequel nous semblions la défier. La voilà, malgré ce grand courage, cette princesse si admirée et si chérie, la voilà, telle que la mort nous l'a faite. Encore, ce reste tel quel va-t-il disparaître? Cette ombre de gloire va s'évanouir, et nous l'allons voir dépouillée même de cette triste décoration. Elle va descendre à ces sombres lieux, à ces demeures souterraines, pour y dormir dans la poussière, avec les grands de la terre, comme parle Job, avec ses rois et ses princes anéantis, parmi lesquels à peine peut-on la placer, tant les rangs y sont pressés, tant la mort est prompte à remplir ses places. Mais ici, notre imagination nous abuse encore. La mort ne nous laisse pas assez de corps pour occuper quelques places, et on ne voit là que les tombeaux qui fassent quelques figures. Notre chair change bientôt de nature. Notre corps prend un autre nom. Même celui de cadavre, dit Tertullien, parce qu'il nous montre encore quelques formes humaines, ne lui demeure pas longtemps. Il devient un je ne sais quoi, qui n'a plus de nom, dans aucune langue, tant il est vrai que tout meurt en lui, jusqu'à ces termes funèbres par lesquels on exprimait ses malheureux restes.